mais ta beauté ne bouge pas. Indélébile, tu me mets dans tous mes états. Il nous a suffi d'un regard et on s'est compris dès le départ. C'est si facile de tout partager avec toi. Oh ouais, tu veilles sur moi comme un ange. Oh ouais, besoin de rien d'autre. Exauce son nos voeux et joue en franc jeu. Je te veux pour toujours, c'est tout. Qu'on se remet, les épreuves on les connaît.